attendu qu'on me donne la force pour donner de la force. Dans mes mains j'ai ma vie, dans mon cœur j'ai la Corse. Je parle avec des Anglais, des Albanais, des Espagnols. J'ai mis droite la moto, avenue des Arnavaux. A percer j'ai pris le flow, ça me jette l'œil, ben bravo. Avec des bobos Corazon, tu sais que j'ai marqué la zone. Le game j'ai les prix d'assaut. Et merci bien la zone. Ils m'ont planté dans le dos, j'pense à eux dans la coffre. Ils m'ont planté dans le dos, j'me transforme en sans coucou. Faut pas essayer d'être vrai, faut l'être. Ça change pour une poignée de dollars. Ton poteau il t'aimait bien dehors. Quand t'es rentré, il t'a pas envoyé trop de lettres. Tu vas te parler d'une jump si j'deviens fou. Et j'assumerai jusqu'au bout si j'suis dans le coup. T'embrouilles pas trop avec n'importe qui. Posé dans le parking. Les flics se disparaissent comme Code Quantum. J'étais au sud, là j'fume, j'suis à Saint-Antoine. J'ai tellement la bandit, j'ai fini à la vue d'un doom. Dans le four, pour ça que j'ai pas de problème de money. Oh mon amour, oui je vais mettre le feu comme Johnny. Un bec qui elle frotte à chaque fois que je prends le rond-point. Nique les radars tant qu'il me pète pas, il me lève pas les points. Bon Dieu il m'a donné, peut-être demain il me reprend. La rue m'a fait du mal, je sais pas pourquoi je l'aime autant. Du mal à pardonner, le cœur est chaud comme un volcan. Aujourd'hui regarde où je suis, avant il m'écoutait en se moquant. J'ai jamais dit que j'ai braqué. Et c'est jamais pour rien si j'ai mis des taquets. Dehors je suis plaqué, je suis pas venu pour plaquer. On va pas zigzaguer. Désolé quand je suis bagué. Désolé quand je suis bagué. Mandita sur le deck, Max. Des filles me disent t'es trop beau. Et dans les quartiers c'est trop chaud. C'est le Far West comme au Texas. Un œil sur ma famille, un sur le business. Les amis ils font rare, un peu comme les cheveux qui me restent. Tu la vois c'est jolie, mais en fait c'est une tigresse. Son beau visage t'a fait oublier ses petites fesses. Oh là là, l'odeur de la Cali. Le film envoie les verbalis. Et la police ils sont jaloux. Des fois pour rien que ils me verbalisent. La casquette des gags c'est def. Tu veux test l'ovni mec c'est dead. Tu peux me croiser au du Mercedes. Le poteau c'est un homme ouais K-Rex c'est dead. Dans la zone j'ai vu des mecs s'éteindre. Mais j'ai même vu des mecs s'éteindre. Gros tu me veux en chaussette. Je vais débouler en chaussette. Mes potes ils cassent tout le monde. Ils font que t'es méniqué. Je voulais du minuti. On m'a dit goûte le tariqué. Sur la zone gros pétard. Massage. Je vais te voir comme eux, si tu me fais passer des messages. Nique le téléphone, c'est les vacances, on est de passage. Alors, que je fume des tonnes. Que je fume des connes, des tonnes, des tonnes. Que je fume des connes. Des connes et je déconne, je déconne, je déconne. Oh oh oh.